Disparition. Les pédales. J'en ai pris une paire hier soir chez Aimé. Pourtant, elles ne se trouvent pas dans mon sac. Je regarde dans la petite poche, dans la grande, puis à nouveau dans la petite. Rien. Je vide mon sac, je mets la tête à l'intérieur. Rien. Je fouille les poches de mon pantalon, par acquis de conscience. Mes chaussures, mes mains. Je sors sur le perron. Rien, rien, rien. J'en suis pourtant certain. Je les avais en sortant de chez Aimé. Je dois me rendre à l'évidence. Je les ai perdus en route. Il faut dire que je suis parti en trombe hier. Peut-être n'avais-je pas bien fermé la poche de mon sac. Peut-être ont-elles chu sans que je les entende. Quel que soit le scénario, les faits sont là. Je suis dans l'impossibilité de soigner un blessé de mon parc à vélo. Pour couronner le tout, je dois attendre une semaine avant que le magasin d'Aimé ne soit ouvert la nuit. Comment faire? Je ne peux quand même pas sortir maintenant. Le soleil est à son zénith. Cette journée s'annonce décidément très mal. Je tourne et retourne la situation sans trouver de solution évidente à mon problème. Je pourrais bien refaire le chemin en sens inverse ce soir, mais je ne me rappelle absolument pas de mon itinéraire. Et puis, je connais les gens. S'ils trouvent une paire de pédales toutes neuves par terre, ils l'emportent chez eux, même s'ils n'ont pas de vélo. Par une sorte d'instinct de chasseur qui ne supporte pas de rentrer bredouille. Je ne vois qu'un moyen de me sortir de ce pétrin. Le lieu étrange. Je m'y rendrai ce soir. Avec un peu de chance, je trouverai mon bonheur. En attendant, je suis tout déstabilisé, à la recherche de mes repères. Il est presque midi, et non seulement je n'ai pu me conformer à mon emploi du temps minutieusement établi, mais je n'ai rien accompli à la place. Ma chambre défaite, mon vélo est posé contre la table du salon, lui à qui j'ai toujours interdit de rentrer dans la maison. Je n'ai rien préparé pour le déjeuner, mes poules ont faim, mes marbres n'avancent pas. J'ai pris du retard, bouleversé le rythme d'une vie réglée avec précision, et je ne sais plus par où commencer. Continuer la journée comme si de rien n'était? Reprendre toutes les tâches depuis le début de la matinée en vitesse accélérée?